Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone d'Annie Veillon, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que hier, c'était dans le secteur de Mississigny, la plus grosse activité certainement qui est dans le secteur, c'est la course de la relève. Et c'était dans le secteur de Mississigny après une absence de 8 ans. Et donc, on va vous donner les résultats dans les différentes catégories. Ça a quand même bien été pour plusieurs participants. Il y avait tout près de 1150 spectateurs pour cette compétition. C'était la 17e édition. Donc, les vainqueurs dans les différentes catégories maintenant. On va y aller avec certaines catégories. D'abord, à noter que du côté des 3 années garçons, Logan Gagnon a été le gagnant, suivi de Zachary B. de Notre-Dame-des-Anges et Samuel Gagné de Sainte-Lucie. Quatrième année, garçon, Jacob Langlais de Sainte-Thérèse, première position. Deuxième position, Raphaël Lavoie. Et troisième position, Simon Bouchard. Du côté troisième année, fille, première position, c'est Olivia Plourde, suivi de Emika Maltais, qui a terminé en deuxième position, et Malika Villeneuve en troisième position. Maintenant, quatrième année, fille, première position, c'est Louis-Anne Mathieu de l'École Sainte-Thérèse. La deuxième place à Roxane Potvin et la troisième place va à Zoé Tessier. Maintenant, du côté de cinquième année, garçon, première position, Donovan Genet qui a terminé en première place, suivi de Mathieu Prévost qui a pris le deuxième rang, Xavier Gagnon, troisième position. Maintenant, du côté des filles, au 1,5 km, première position, Dainé Gauthier de l'École Notre-Dame-des-Anges, suivi de Émy Saint-Pierre qui est allé en deuxième position et Mazie Bergeron a terminé en troisième place. Sixième année, garçon, première place, Axel Gay de l'École Sacré-Cœur. Deuxième position, Cédric Lambert. Et la troisième position est allée à Zach Lamontagne. Et du côté de la sixième année fille, première place pour Chloé Caouette. Deuxième place pour Eva Mathieu. Et Rose Lefebvre a terminé au troisième rang. Ce qui a fait dire, évidemment, à l'organisateur Pierre-Luc Ménard, qui était très content de l'événement. Oui, vraiment, belle température, beaucoup de monde. Plus de 1000 participants encore cette année. Très heureux. Et dans un deuxième temps, ben Pierre-Luc Ménard mentionne que le fait d'être dans le secteur de Mississigny, ben ça amène une logistique différente. Le comité organisateur, vu que ça fait quand même 8 ans qu'on ne l'avait pas fait à Mississigny, mais dans l'ensemble, le parcours sécuritaire et l'aréna est bien disposé pour les accueillir. Ben, merci beaucoup. C'est semaine de première à Dolbeau-Mississigny avec du deck hockey. Il y avait deux matchs, on a des résultats. Le Body a défait le Team Fire 14-1 et les Blizzards a défait le Has-Been 12-8. Du côté de Saint-Prime maintenant, plusieurs matchs au programme hier. D'abord, à noter que victoire de 8-3 pour la formation des Canucks contre les détestables Bleuets. Pour l'équipe gagnante, notons que Mathieu Lamontagne a marqué 2 buts, mais c'est Jimmy Laroche qui a été le meilleur avec une production de 4 buts et 2 passes. Maintenant, dans les autres matchs, faites à noter également hier que victoire de 9-2 pour la formation des Vikings contre les Décadences. Pour les Vikings, 3 buts pour Gabriel Amiot et Mathieu Tremblay qui lui a marqué 3 buts et une passe. Mais le meilleur joueur a été Alexandre Trottier avec 2 buts et 3 passes. Maintenant, un autre résultat qu'on vous communique à l'instant. Victoire de 4-1 pour la formation des Kids contre la formation des Kings. Pour les Kids, il faut noter que 3 buts pour Mathieu Dupéré et l'équipe, le seul but a été marqué par Samuel Castonguay pour l'équipe perdante. Du côté maintenant de la Ligue de Balmol de Roberval, il y avait des matchs hier, 3 matchs au programme. Zodiac qui a gagné 14-4 contre Megavac, Saint-Hubert 10-9 et Pièce de Tourcel a défait le Garma 22-17. Je l'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Marianne Saint-Gelais qui réagit à la retraite de Samuel Girard et Cassandra Bradette. Par l'entremise de CKJ de Michel Tifo et Dominique Bauduc, on va entendre Samuel Girard qui explique la décision de prendre de sa retraite. Également, Samuel Harvey qui vient nous parler de la conquête des Huskies de Rouyn-Noranda. Sport local et régional à danradiosport.com.